enfants, vous avez le goût de chanter avec moi? Oui! Bon, alors aujourd'hui, c'est un petit canon. Ça n'est pas compliqué, rassurez-vous. Il y a quatre parties, nous allons les apprendre l'une après l'autre. Vous répétez derrière moi. La première d'abord, attention. Flic, flac, flic, floc, c'est la chanson. Flic, flac, flic, floc, des blancs flocons à vous. C'est pas mal du tout. Deuxième partie maintenant, écoutez bien. À quelle drôle de vie qu'on mène, à quelle drôle de vie qu'on a, à quelle drôle de vie qu'on mène, à quelle drôle de vie qu'on a à vous. À quelle drôle de vie qu'on mène, à quelle drôle de vie qu'on a, à quelle drôle de vie qu'on mène, à quelle drôle de vie qu'on a. Très très bien. Troisième partie. Faites attention, elle est un petit peu plus difficile, écoutez bien. Attention. C'est ce que racontent les flocons quand on entend leur chanson là-haut sur les monts. À vous. Quatrième partie, la voici. Attention, écoutez. Flic, flac, flic, floc, c'est la chanson. Flic, flac, flic, floc, des blancs flocons. Flic, flac, flic, floc, c'est la chanson. Flic, flac, flic, floc, des blancs flocons. Bon, maintenant vous savez ce qu'il faut chanter. Les quatre groupes sont formés. Tous ensemble, nous y allons. Que la neige va s'arrêter de tomber. Oh non, c'est une impression. Je vois là-bas un gros nuage. Non seulement la neige se remet à tomber, mais ça va être une tempête de neige.